Rayer Chi, Outro, Casdeji. Pour tous les vrais, pour tous les frères, tous les jaloux. Niquez vos mères. Commence par remplacer une connaissance et commencer. KZA et 2T2R avec qui j'ai commencé. Rappel, première scène à ambiancer. Respi, chez le débarquement, avancer comme ça. J'en place une autre à Jice Face, Don Montana, King S, Walid avec la rap cam. Freestyle qui teste, ghetto, pas de montage à la fin. Azepec, like Roma ou des frères qui ont faim. On peine traîner comme des virus, t'avais pas d'antidote. En oubliant pas d'un plat, c'est une pour un petit corps. Vous et les types. Tellement technique, avec Gizmo on aurait pu faire des titres. Passons, on enchaîne à la suite. Gros joint de spé avec Yasser, braquage à visage mi-couvert. Les épées de la vie, tu veux venir clash, mais t'es qui? On te remettait d'accord en freestyle avec ma épée, Nico t'es qui? Même en faisant des cases d'être, reste technique. Une pour équipe chic, c'est d'actif méga. Regarde le freestyle, c'est les types chic. Si, si, une pour le Cléo Majid et K.E. Official MC. Reconnaissant pour ça que je fais des citations. Une pour info, B la deuxième pour para. Casdet à tous ceux avec qui j'ai rappé à l'impasse. Bêche, kawa, les bacs, tout smooth. La ganache, smooth, la ganache. Pas de compétition, c'est 835 qu'on représente. Une pour ironique, l'acma, la présente. Et dur qu'on est nul, un mensonge, ne le dis jamais. Une autre frère Alex, Ristal, chez lui, avec Jamil, Marwan, Tony, Gobu, Vert, Sky, Delhi, j'te raconte pas, on en est à Jamil. En clair, c'est simple, une pour les doigts, ma ou celle gars pour tes 835 des couteaux. On n'avait pas mué que nos voix entendaient déjà muer. Grâce à DJ Tuco, CLJ, premier lompi avec KTM. Aujourd'hui, venu toxico. Des fois j'en ai assez, alors cherche mon verre. J'te viscère des délires, c'est rare, mais j'en ai eu avec Azer. Mauvais moment, la pipi GL, freestyle à la Kerbo, clin d'œil à NIGL. Et laisse-moi dire que les bons n'oublient pas, pas. Rite d'initiation, j'pense à Baba. Aux chutes qui me demandent à tout cas, ils savent que j'parle pas. J'pars dans un délire avec un stylo sur moi. Pour tes nuits à apprendre le ciment avec Scrimo. Toujours à parler en perse. Chaîne d'un cas généreux, ça coffre même les PS. Pas d'action de crasseux, te parle de compte. À ce verre, j'irai pas du viscère. Peut-être que j'ai fait le con. Athénée, si, ils m'ont bien eu avec la jack. À la mort, elle m'a appris que t'as bourré. Pleu, en mieux, pleu, les bons pas. Tu peux rien dire, dire. À part Sisi, archification 4ème degré avec Easy. L'humour rude, oui, frappe ou l'alvé Rudy. Une course, laisse plus de société. On sait que nos chances, elle a réduit. Une grosse pour mes frères, et j'en ai pas beaucoup. J'commence par Iglo, toujours au fait pour boire un coup. Aller sur un bon coup, il est con. Arrive pas avec qui on tient le coup. On parle mental, gros, je rime que ce qu'il te dit. Mais tout tranquille, on fera la montante. Toujours à en sortir une bonne ou à casser les couilles. Y'a ces bâtards d'inspire, ils savent que j'peine chaîne à force qui m'écoute. On veut tous la victoire, crois pas qu'on se laisse perdre. Un visage dans le charbonnaire, demande à respect, respect. Une pour ceux qui les ont sur leur coach, une qui sont sous écrou. Une pour Jukaine, quand c'est la seule et on s'est serré les coudes. Avec des qui te raconte comment il a cassé un cul. So, toujours des terres pour V-le un cul. Pour les moments dans les ruelles, c'était chaud chaud. Gros pilon avec le belge, bro, Met et Hamo. Aux petits qui prennent le charbon pour un jeu. Je dirons droit dans les yeux, c'est ça. Une pour Missa, Jimmy et Sam. Ça, mais ça m'arrive, penser à l'époque. Des fois, c'est nostalgique en pensant à des bonnes. Au dépôt, Ria Diclo, en dépit. Je vais pas dire qu'on déprime, car on sait qu'il y a des pires épreuves. Il me reste à faire des cassettes, tu demandes à qui? Au frère Kevin, Reptile, Venin, Subtil, Maki. A Fix qui est en brouille pour un wesh, tu maquis. Et quand je lui dis, un gamin écrit c'est de la faute de la mère à lui. J'en place une pour Wesh, Wesh dire que quand ça galère, ça guéla de la substance, mais pas pour dire Wesh. Une grosse à Ramza, c'est grave grâce à lui. Comment le sang il sort, j'dis. Une pour les sauces qui sont prêts à tout pour charbonner tes vélos. Les gilets t'attendent mon lot, elles sont trop grandes, vas-y mollo. J'lâche un gros molar pour les marronneurs. Toi t'attends ma chute, mes chutes, moi j'attends même pas mon heure. J'ai pas d'air de mec qui se lassent. Axés sur l'argent, t'es mal, les axes sont coupés. Quand les coups réussis, Jack Glaçon, c'est comme ça qu'on fait. Une pour Iska, Roberto, le chat, les grands frères. Les grâces sur la production, il faut les rendre grandement fiers. Faux défauts, on a tous des défauts. La dernière, elle est pour Dieu, le père, la mère. Pour tous mes vrais, si je t'ai pas cité dedans, c'est que je te considère comme un faux. Pour info, tu pas un fou, mais je rappe comme un pro. Pour toi, c'est un blême, tu seras blâmé si on saigne la même prod. Si on saigne la même prod, tu seras blâmé si on saigne la même prod. m'introduis sur l'instru, j'instruis les intrus. Autrement dit, je m'installe dans le game accompagné de railleurs qui le street bombe à le boucler en même pas deux semaines. C'est acheté, il avait prédit, mais Jim a dit dans le train, direction le studio. Là, vous êtes trop fort et je le remercie. Chez moi, on n'a pas arrêté de m'encourager quand je voulais tout lâcher. Kaïs et Adam au dodo, quand je faisais dodo, monter Adam, gros, n'oublions pas la mama. Toujours derrière moi, à me dire, tu peux réussir. Muni d'un mic, tout est possible. Merci à Remza de nous avoir ouvert les portes du sud. J'étudie toujours, gros. Big up à Dakar, la clique d'or. Et tous les vrais frères qui se reconnaîtront, les vrais, pas les légères de bourron. J'ai commencé à rapper tout petit, une fois plus grand. Mes premières fois au studio avec DJ Vince. Mes premières scènes avec les acolytes. Toute la clique qui flotte au le doc. LAS et Mickey. Avec eux, ben j'ai tout niqué. Incendie les chromis, Mermoz, eux, je leur ai promis. Ma vie n'est pas parfaite. J'irai même que c'est l'apocalypse. Je rêve d'une nouvelle vie. Revenir dans le passé avec les idées du futur. Un peu comme dans Terra Nova, la vie des rêves. Qui connaît ça? Pas moi en tout cas, je crois bien que ça existe pas. Et pour mon Zincou, j'inspire le 18ème chez lui à Pera. Avec son pico et inspire XD3, je vous dédicace. Gros big up à Loulou. Ou Big, on sait pas pour ses bas. Je représente la clique d'or, négro. Qu'est-ce qu'il y a? 835. Ouais. Alors, Remza, dis-moi, c'est bon? C'est bon, la garde. Yes. Qu'est-ce qu'il y a? 835, là, c'est sur mer.